Jeudi 8 novembre, brebis et bergers. Lisez Jean 10, les versets 1 à 11. Quels aspects de cette métaphore de l'Église en tant que troupeau de brebis évoquent l'unité ? Voir également le psaume 23. Dans le monde moderne des grandes villes, il est devenu très rare de voir des élevages. La plupart des gens savent très peu de choses des relations entre brebis et bergers. Mais lorsque Jésus a raconté cette parabole, les gens le comprenaient parfaitement. Quand il a dit « C'est moi qui suis le bon berger », ils ont immédiatement reconnu et apprécié cette référence au psaume 23 au verset 1. « Le Seigneur est mon berger ». L'image était non seulement claire, mais chargée d'une valeur émotionnelle qui la rendait frappante. Dans la culture du Proche-Orient ancien, et encore aujourd'hui au Moyen-Orient, les bergers sont connus pour être dévoués aux soins de leurs troupeaux, quelles que soient les difficultés. La figure du berger est devenue l'une des images qu'affectionne la Bible pour décrire le caractère de Dieu et sa relation avec son peuple. L'image du peuple de Dieu comme troupeau est une image intéressante. Ce qui nous frappe souvent chez les moutons, c'est leur nature inoffensive et le fait qu'ils soient sans défense. Ainsi, ils dépendent d'un bon berger qui les protège et les conduit. On les considère souvent francs, comme un peu stupides. Parfois, elles se perdent malencontreusement et le berger va les chercher pour les ramener à la bergerie. Les jeunes ont souvent besoin d'être portés et exigent des soins supplémentaires. Patience et compréhension sont nécessaires pour s'occuper des moutons. À plus d'un titre, c'est une image parfaite pour illustrer l'Église. Le membre d'Église n'a rien à craindre, mais tout à gagner à entrer en relation avec le berger. Dans cette parabole, Jésus souligne également l'importance pour le mouton d'écouter la voix du berger. Quand les conditions l'exigent, il est possible de protéger quelques troupeaux de moutons en les installant dans le même enclos ou la même bergerie. Tout ce que le berger a à faire, c'est se tenir à la porte de l'enclos et appeler. Ses brebis reconnaissent sa voix et viennent vers lui. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Écouter la voix du berger est crucial pour l'Église. En fait, l'unité et la sécurité du peuple de Dieu dépendent de la proximité qu'ils ont avec lui et elles sont directement liées à leur obéissance docile à sa voix. Généralement, les gens n'aiment pas être décrits comme des moutons. Pourquoi s'agit-il pourtant d'une métaphore si adaptée pour nous ? Que devrait nous indiquer cette image sur notre besoin du berger et notre besoin d'obéir à sa voix ?